Charles Dickens, son talent et ses œuvres, par Hippolyte Taine. Si Dickens était mort, on pourrait faire sa biographie. Le lendemain de l'enterrement d'un homme célèbre, ses amis et ses ennemis se mettent à l'œuvre. Ses camarades de collège racontent dans les journaux ses espiègleries d'enfance. Un autre se rappelle exactement et mot pour mot les conversations qu'il eut avec lui il y a 25 ans. L'homme d'affaires de la succession dresse la liste des brevets, nominations, dates et chiffres, et révèle au lecteur positif l'espèce de ses placements et l'histoire de sa fortune. Les arrière-neveux et les petits-cousins publient la description de ses actes de tendresse et le catalogue de ses vertus domestiques. S'il n'y a pas de génie littéraire dans la famille, on choisit un gradué d'Oxford, homme consciencieux, homme docte, qui traite le défunt comme un auteur grec, entasse une infinité de documents, les surcharge d'une infinité de commentaires, couronne le tout d'une infinité de dissertations, et vient 10 ans après, un jour de Noël, avec une perruque neuve et des souliers à boucles, offrir à la famille assemblée 3 in-quarto de 800 pages, dont le style léger endormirait un Allemand de Berlin. On l'embrasse les larmes aux yeux, on le fait asseoir, il est le plus bel ornement de la fête, et l'on envoie son œuvre à la revue d'Édimbourg. Celle-ci frémit à la vue de ce présent énorme et détache un jeune rédacteur intrépide pour composer avec la table des matières une vie telle quelle. Autre avantage des biographies posthumes, le défunt n'est plus là pour démentir le biographe ni le docteur. Malheureusement, Dickens vit encore et dément les biographies qu'on fait de lui. Ce qui est pire, c'est qu'il prétend être son propre biographe. Son traducteur lui demandait un jour quelques documents. Il répondit qu'il les gardait pour lui. David Copperfield, son meilleur roman, a bien l'air d'une confidence. Mais à quel point cesse la confidence et dans quelle mesure la fiction orne-t-elle la vérité? Tout ce qu'on sait, ou plutôt tout ce qu'on répète, c'est que Dickens est né en 1812, qu'il est le fils d'un sténographe, qu'il fut d'abord sténographe lui-même, qu'il a été pauvre et malheureux dans sa jeunesse, que ses romans publiés par livraison lui ont acquis une grande fortune et une réputation immense. Le lecteur est libre de conjecturer le reste. Dickens le lui apprendra un jour quand il écrira ses mémoires. Jusque-là, il ferme sa porte et laisse à sa porte les gens trop curieux qui s'obstinent à y frapper. C'est son droit. On a beau être illustre, on ne devient pas pour cela la propriété du public. On n'est pas condamné aux confidences. On continue de s'appartenir. On peut réserver de soi ce qu'on juge à propos d'en réserver. Si on livre ses œuvres aux lecteurs, on ne leur livre pas sa vie. Contentons-nous de ce que Dickens nous a donné. 40 volumes suffisent et au-delà pour bien connaître un homme. D'ailleurs, il montre de lui tout ce qu'il importe d'en savoir. Ce n'est point par les accidents de sa vie qu'il appartient à l'histoire, c'est par son talent, et son talent est dans ses livres. Le génie d'un homme ressemble à une horloge. Il a sa structure et parmi toutes ses pièces un grand ressort. Démêler ce ressort, montrer comment il communique le mouvement aux autres, suivez ce mouvement de pièce en pièce jusqu'à l'aiguille où il aboutit. Cette histoire intérieure du génie ne dépend point de l'histoire extérieure de l'homme et la vaut bien.